Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 9 courant le message de réponse au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Il exprime sa gratitude à Kim Jong-un et au gouvernement et peuple de la République populaire démocratique de Corée, AMI, pour les félicitations cordiales formulées par le maréchal à l'occasion du 54e anniversaire de la Révolution glorieuse du 8 mars en République arabe syrienne. Il apprécie la position de principe du dirigeant suprême Kim Jong-un et de la direction de la République populaire démocratique de Corée, qui témoigne de la solidarité à la lutte du peuple syrien contre le terrorisme et pour la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du pays.